Prononciation. U, ou, i. Activité 1, page 68. Écoutez et dites la phrase que vous entendez. 1. Il est sûr. 2. C'est la roue. 3. Il dit tu. 4. Quel lit. 5. Tout va bien ?